Oya, eh, oya. Kute, ayanyan. Hey, yeah, yeah. Jelly, jelly. Oya, eh, oya. Kaimos, swe. Hey, yeah, yeah, yeah. Et est-ce mal au Samson? Zen Sanga y'a bien arrivé. Tout le monde est content. Tu banai connaît. Zen est là pour te fouler. Zen Sanga y'a bien arrivé. Tout le monde est content. Tu banai connaît. Zen est là pour te fouler. Zen Sanga y'a bien arrivé. Peuple rayonnant.